je suis hyper impatient de jouer. Le créneau horaire 4-5, c'est quand même un beau créneau horaire. C'est le moment où il faut tout donner, tu vois. C'est le petit moment de fin de soirée. Donc, je suis hyper emballé d'être là aussi loin de chez moi. Donc, impatient. Vous allez aussi faire un DJ set à Tomorrowland, deuxième week-end. Ouais, tout à fait. Tomorrowland, c'est le 26. Et donc là aussi, c'est sur la scène de Shaquille O'Neal. Donc DJ Diesel. Et donc, première fois à l'affiche officielle, en tout cas de l'été. J'ai fait Tomorrowland Winter et j'ai fait 2 ans avant l'ouverture au Gathering. Donc, c'est une grande première pour moi. Est-ce que c'est vrai que c'est incomparable avec d'autres festivals en electronic dance music? C'est une date hyper importante, évidemment. Donc, je pense que chaque festival a son petit créneau, son petit charme. Mais bon, Tomorrowland, ça reste quand même le numéro un, ouais. Vous travaillez et habitez à Charleroi. J'ai lu quelque part que vous pensez que Charleroi est le New Berlin. C'est vrai? En fait, moi, je suis né à Bruxelles. Donc, j'ai vécu à Bruxelles toute mon enfance et adolescence. Et puis, c'est vrai qu'étant adulte, je suis parti à Charleroi parce qu'il y avait beaucoup de place pour la culture. Tu vois, c'est une ville qui avait vraiment eu beaucoup de mal et qui s'est développée assez fort culturellement. Un petit peu à l'image de Berlin. Donc, c'est à toute proportion gardée, évidemment. Mais effectivement, à l'image de Berlin, il y a de grosses similitudes par rapport au côté industriel et au renouveau, quoi, d'une ville culturelle. Parce que l'image que pas mal de néerlandophones en Belgique ont du Charleroi, c'est ne que du chômage, par exemple. Donc c'est assez négatif, l'image de Charleroi. Oui, après c'était ça un petit peu le challenge. C'est un peu de la provocation aussi de dire ça. Mais même s'il y a eu beaucoup de chômage à l'époque, en tout cas il y a une vraie... un vrai nouveau dynamisme de la jeunesse et de la culture. Alors ça, c'est peut-être les choses qui passent moins à la télévision que le chômage. Et voilà, mais c'est une nouvelle génération de jeunes qui n'ont pas du tout envie d'aller pointer au chômage et qui ont envie de vivre et qui ont envie d'être eux-mêmes. Donc pour moi, c'était important de montrer cette image-là aussi de Charleroi. Ton deuxième album est sorti, The Man with the Monkey Face. On dit toujours que la deuxième est plus difficile que la première, c'est vrai? Oui et non. Le premier n'était pas facile. Je pense que chaque album est un nouveau challenge. Donc je pense que chaque album, l'idée, c'est de grandir encore un petit peu. Donc je pense que chaque album a sa difficulté. A sa difficulté. Et là, je commence à penser aussi à la suite. Et c'est pas plus facile que quand j'ai commencé le premier ou le deuxième. Des show awards comme Decibel Music Awards, comment sont-ils importants pour votre carrière? C'est une belle récompense, c'est un beau clin d'œil. Après, ça reste quand même beaucoup de boulot en dehors, ça n'ouvre pas toutes les portes, mais c'est plus comme une récompense. Moi, j'ai toujours bien aimé avoir des récompenses, comme tout le monde, je pense. Donc, c'est vrai que quand vous recevez le hit de l'année pour le single, ça reste vraiment une belle récompense. Pas mal d'artistes francophones en Belgique m'ont dit que c'est difficile d'aller au pays, aux parties néerlandophones. Apparemment, tu joues à Blankenberg au stand Tomorrowland aussi, à l'ancienne Belgique en novembre. Est-ce que tu as la même opinion que c'est difficile être artiste francophone et trouver ton public néerlandophone? Oui, je pense que c'est difficile, mais moi, mon père est flamand, ma mère est wallonne et moi, je suis né à Bruxelles. Donc, j'ai toujours eu cette culture belge à comprendre un petit peu. Voilà, j'ai toujours été un petit peu au milieu. C'est difficile, comme c'est difficile de trouver son public au début en Wallonie. C'est vrai que c'est une autre sorte de public. C'est un peu comme si c'était de l'international, la Flandre. Moi, j'ai de la chance, c'est que ça commence vraiment à bien prendre. Comme tu as dit, on a des très belles dates. On a une bande dessinée qui est sortie, qui est aussi sortie en néerlandais. Donc, on fait un vrai travail de développement. Et voilà, pour moi, la Flandre, ça reste une part de moi et ça reste une part de la Belgique. Donc, c'est très important pour moi de développer la Flandre. Cette bande dessinée, c'est vraiment la culture belge. Tintin, par exemple. Il y a pas mal d'autres titres de bandes dessinées. On est vraiment connu de ça. C'est aussi une manière de communiquer à ton public ou c'est surtout un autre médium pour toi? Oui, je pense que, tu vois, il y a effectivement les albums audio. Il y a les clips qui sont très importants pour moi. Et il y a cette bande dessinée. Et je pense que pour chaque média, il y a sa façon de raconter les choses. Et donc, c'est vrai que la bande dessinée m'a permis de raconter des choses en plus que je ne pouvais pas raconter avec le clip ou en CD. Donc, pour moi, oui, c'était très important d'avoir cette bande dessinée. Et c'est quand même 3 ans de boulot pour un album qui se lit en 1 heure. Ouais. Par quelle bande dessinée est-ce que vous êtes inspiré? C'est surtout Marvel, les super-héros ou autre bande dessinée? Je suis très belge. Tu l'as dit, j'ai adoré Soda, qui est une bande dessinée avec un policier. Donc c'est vrai que j'ai toujours été très bande dessinée classique. Évidemment, j'ai lu plein de comics, Batman, tous les super-héros, mais essentiellement du classique bande dessinée, ouais. Tu as le meilleur spot ici, le meilleur time slot de tous les Belges. Qu'est-ce que est la raison pour ça, tu penses? Je sais pas, j'ai toujours eu de la chance d'aimer ce que je fais. J'essaye toujours de donner le meilleur et de m'adapter. Donc je fais un vrai travail en amont de réfléchir à voilà, où est-ce que je me situe dans l'affiche. Et puis, après, il n'y a rien à faire. À un moment, c'est à toi de jouer. Et les éléments font que le DJ avant passe tel ou tel morceau. Et le premier morceau que tu vas passer, c'est une réponse à ça. Tu vas essayer de garder le public. Et c'est vrai que la semaine passée, j'ai joué à Marseille. Et c'était la même chose. Je me suis retrouvé au bon moment, au bon endroit. Et puis, il faut passer les bons morceaux. Et pour l'instant, ça me réussit bien. Donc, à chaque fois, je suis de mieux en mieux placé. Donc, c'est très agréable. Est-ce que c'est différent de jouer pour, par exemple, Francofolie, Ronquière, Ancien Belgique, comparé avec Blankenberg au stand? Est-ce que le public répond d'une autre manière? La grosse différence par rapport à Spa, Ronquière et l'Ancienne Belgique, c'est que là, je vais faire un show 100% Kid Noise. Ça veut dire que c'est que des morceaux de Kid Noise. C'est comme un live. Nous, c'est notre version live, donc on a un décor, on a des invités, on a des musiciens. À Blankenberg, au stand ou ce soir, c'est vraiment du DJ set, donc c'est clé USB et je mixe vraiment de tout. La grosse différence, c'est ça. Après, le public reste toujours différent et le même. On compare plus ça par rapport à la masse. Quand tu joues devant 100 personnes ou 50 000, c'est pas la même façon de communiquer, mais c'est formidable de toucher autant de gens en aussi peu de temps, et surtout, le principal, c'est de les faire danser. Et donc, c'est vrai, quand les gens dansent, pour moi, je suis extrêmement heureux. C'est mon but premier, c'est de faire danser les gens. Tu étais support act de Stromae, Faithless, The Antwoord and The Prodigy dans le passé. Est-ce que c'est vrai que c'est presque impossible de voir ces artistes, même si tu es support, ou est-ce que tu as eu un bon contact avec eux? J'ai eu un super bon contact avec tous, en fait. Prodigy, le gars est venu vers moi et il m'a dit bonjour. Et voilà, j'étais un peu distant parce qu'effectivement, il y a une sorte de zone de sécurité, zone de politesse un peu à respecter. Mais c'est vrai que quand c'est souvent les artistes headliners qui viennent vers vous vous dire merci ou vous complimenter, c'est extrêmement... Ouais, c'est vraiment agréable. Et j'ai eu ça avec tous, donc... Donc voilà, c'est vraiment un Stromae. J'ai fait 2 dates, Prodigy et The Antwoord aussi. Voilà, c'est la force de la tête de singe, c'est que les gens vous oublient pas. Ouais. Stromae est bruxellois aussi, hein. Ouais, tout à fait. J'ai fait l'ancienne Belgique avec lui et on a fait le Bataclan, ouais, à Paris. Et le Prodigy, Keith Flint a décédé cette année. Qu'est-ce que votre réaction? C'est extrêmement compliqué parce que c'est hélas quelque chose qui arrive tous les ans. On l'a vu avec Avicii, on a vu avec... Ça prouve 2 choses, c'est que la vie, de toute façon, n'est en soi pas évidente tout le temps, et qu'on fait un métier qui est difficile. C'est pas un métier de paillettes, c'est pas un métier de tu ne peux pas faire que la fête. Ça fonctionne à un moment, mais tu dois vraiment construire quelque chose de personnel, de familial, de, que tout le monde, tous les gens ont besoin. Et c'est vrai que moi, c'est cette force familiale qui me permet de tenir aussi longtemps et de me retrouver à l'autre bout du monde à 4 heures du matin. Ici, en Hongrie, il n'y a pas de décalage horaire, donc c'est easy game, même s'il est 4 heures du matin. J'ai joué avec Nervo à Miami, au Leaf Club, et je jouais aussi de 4 à 6, mais j'avais un décalage horaire de 5 heures. Donc, à un moment, c'est vrai que ça joue sur le corps, ça joue sur les émotions, il y a du manque de sommeil. Et puis voilà, c'est triste de décider de se suicider comme ça. C'est toujours très triste, c'est une défaite à chaque fois. Et être en tournée, c'est parfois aussi la solitude, en fait. Oui, c'est vrai. On se sent vite seul. Et en fait, on se sent seul parce que je pense qu'on est confronté à beaucoup de gens d'un coup. Et au final, enfin, tu disais de jouer devant plein de gens. Moi, je pense que jouer dans un petit club de 50 ou de 100 personnes et d'avoir 100 personnes qui dansent, c'est hyper valorisant aussi parce qu'il y a une sorte d'unité. 50 000, c'est super aussi, mais au plus c'est grand, au plus c'est impersonnel. Et si tu n'as pas une personne dans ta vie qui partage ta vie, enfin, il en faut qu'une, mais bah, tu passes à côté de quelque chose d'important, quoi. Tu aimes collectionner aussi, c'est aussi un sport national des Belges, des vinyles et des DVD, mais pas mal d'autres choses. Ouais, beaucoup de jouets en fait, ouais. Essentiellement des synthétiseurs, des jouets, des vinyles, ouais, DVD, cassettes vidéo, mais ça j'essaie de mettre un peu sur le côté, mais essentiellement des jouets. Ça a toujours été cette culture du jeu, du toy, c'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que c'est une sorte de, comment expliquer ? Tu vois, le jouet, c'est quelque chose qui, quand t'es enfant, qui te permet de passer à une autre dimension. Tu as 100% dans ton jeu. Kid Noi, c'est devenu une sorte... Pour moi, c'est une sorte de jouet grandeur nature, tu vois. C'est un peu... je suis devenu un peu le jouet que je rêvais d'avoir quand j'étais enfant. Donc c'est vrai que j'ai cette culture de la collection un peu... je suis un peu addict. Pourquoi un singe et pas un autre animal ? Parce que... Je trouve que le singe pose plein de questions intéressantes par rapport à qui on est réellement, aux racines, tu vois, par rapport à qui on va devenir et à qui on est. Donc ça pose plein de questions sur notre vision du monde et sur notre état d'homme moderne, tu vois. Et je pense que c'est important de se poser des questions. C'est quoi un homme moderne en 2020 ? Qui est-ce qu'il faut que nous soyons réellement par rapport à nos racines et par rapport à là où on doit aller ? Donc voilà, pour moi, le singe pose vraiment cette question. Ok, merci beaucoup pour cette interview, Kid Noi. Merci à toi.